tous les matins me sors de mon lit. J'en ai vraiment plein d'eau, je frise la neurasthénie. Nuit. Si je me mets du coton dans les oreilles, le lendemain je n'entends plus la sonnerie du réveil. La vie me paraîtrait beaucoup plus douce si de temps en temps il y avait un peu de blues. Et quand j'entre à la nuit, il y a toujours du boogie. Je mets la chaîne à fond, mais ça me donne le tournis. La tête sous l'oreiller, je rêve encore à des empires, à des vicieux qui pendant même on me chante le boogie. Ce serait plus supportable, moins infernal, si de temps en temps il y avait un peu de jazz. Ça y est, c'est décidé, je vais faire un tour chez mon disquaire. Je vais acheter des trucs, ça va swinguer dans les chaumières. Avec un petit neurose bien empaqueté, je vais les offrir à ce voisin de palier qui est vraiment complètement toqué. Et alors là, on écoutera enfin du jazz, ça nous changera. C'est depuis ce jour que tous les matins je m'éveille. Vous l'avez deviné, avec du jazz dans les oreilles. C'est pas que ça me convient pas, mais j'aime bien écouter. Ce qui me plaît quand ça me plaît, j'ai déjà du mal à me supporter. C'est dur, les gens qui ont des passions et qui